Le bruit de l'avion qui s'en va se mêle à celui des vagues. On n'entend pas du tout la voix. Je parle, mais on n'entend pas du tout ma voix. On entend seulement le bruit des vagues, le bruit de l'avion.